pareil chez toi, ça te quitte. Ma bitch, j'ai ma sage-type, chez toi, ça te nique. J'ai moi les MC, j'ai les gifs, leurs oreilles sifflent. Y'a je sais, j'ai déchargé le neuf de long riff. Mange le cadavre, c'est canard pour mon titre, pour le pif. Y'a pas de lac, que de la harane dans leur classique. Chiki check, SI crack, MC, des destructions massives. Les teneurs ont couragé la fortune au téméraire. La vertu fera crier le rage, la tuerie sera dans les frais. Ok, 1, 1, j'ai qu'on m'aime. J'ai aussi que mes ennemis m'aident, grâce à eux je serai numéro 1 dans ce fils de putain de bled. D'instation on va pas se refaire, non. Ce qu'il nous faudrait c'est juste un stud, blaster, 3 causeurs de troupe et ça va le faire. Tout dans les muscles et dans la tête, ça fait péfli. Fuck des étincelles au Beretta, surtout qu'au Mike ça peut rétir. On reste les héros de ton récit, redonne la pêche au Sénil. Cherche pas en France c'est meilleur MC, c'est qu'au Maro et Nil. Comment donner son qui perd, on sait qu'il pèse. Les locaux personnifiés qui te rabaissent, c'est SY qui te plaît. L'idée savoir qu'on est les meilleurs qui te stressent, ou l'idée de plus chercher la qualité ailleurs qui te vexe. Trop près du rêve et de la réalité. Rien à foutre de toute ta crédibilité. Plus ta créativité. Sans la fin des haricots, la nouvelle ère, c'est celle de la banane. C'est US, ERS, frère, les nouveaux poches de banane.